C'est la Saint-Patrick demain et on est Irish aujourd'hui. Vous écoutez L'Inconduite de partie. A deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! He did it! That's play. Here's a shot! Henderson made a wild snap work spell. Here's another shot right by the shore! Henderson! And scored for Canada! Mark de Gris, c'est long! Et c'est gardé! Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rouge et or. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Et bienvenue à l'inconduite de partie en ce 16 mars 2010, la veille d'une des plus belles fêtes de l'année, comme à chaque année, bien sûr, la Saint-Patrick, fête des Irlandais, fête des roues, fête de la bière, de la Guinness, la Kilkenny et autres objets de déchéance. Donc, vous êtes à l'inconduite de partie, l'émission qui parle de sport amateur, professionnel un peu, de partout à travers le monde. C'est une grosse émission qu'on a aujourd'hui. J'aimerais ça vous présenter Pierre-Luc Giroux présentement, mais Pierre-Luc est présentement pas là. Aucune idée est où. On essaie de le rejoindre. On se dit, il a peut-être dormi un peu trop. Tu sais, les jeunes de nos jours, hein, c'est plus ce qu'on était à l'époque. Hein. On a quand même 2 ans de différence, lui et moi. Donc, c'est ça ce qui arrive. Non, il devrait être ici, Pierre-Luc, plus tard dans l'émission pour vous parler du hockey junior majeur, la Ligue junior majeure du Québec, qui a fini sa saison. C'était dimanche, les Cataractes qui vont affronter les Victoriaville en série. On va aussi parler d'autres choses. On s'entretient avec JP Grenier. On va parler du March Madness, le tournoi de basketball de collégial américain qui débute. C'est ce soir avec le match de qualification pour la 64e place dans le tournoi. Et ensuite, ça va être à partir de jeudi, les matchs vont commencer. On va parler, on a plein d'autres nouvelles aussi. Mais bien sûr, on y va en commençant avec ma spécialité. Les Patriotes de l'UQTR, plus particulièrement au hockey, qui étaient en action. On le savait, ce qui arrivait avec les Patriotes, ils se sont fait éliminer la semaine dernière contre les Redmen de McGill. Ce qui est arrivé avec les Redmen, eux, ils affrontaient Lakehead, qui, eux, ont gagné dans l'Ouest. Donc, en gagnant dans l'Ouest, ils s'affrontaient pour la Coupe Queens. Du côté des Patriotes, eux, ils affrontaient Western pour le match de la médaille de bronze. Donc, ce qui veut dire que pour la Coupe Université, qui est le championnat canadien de la CIS, trois équipes vont avoir le droit d'accéder dans la OUA, les sports universitaires de l'Ontario, ou la SUO, devrais-je dire. Donc, on avait automatiquement Lakehead et McGill qui, en se rendant en finale, accédaient automatiquement. Par contre, Lakehead étant l'équipe haute, ils sont assurés de participer au tournoi, un peu comme on retrouve à la Coupe Memorial, où l'an dernier, Rimouski était l'équipe hôte. Donc, les Patriotes devaient affronter Western pour savoir qui allait être le récipiendaire de cette troisième position et accéder au championnat canadien. Le match, écoutez, je dois dire, on parle ici, le match qui avait lieu samedi soir contre Western, c'est probablement le match le plus fou que j'ai vu de ma vie. Ça n'a tout simplement pas d'allure faire ça à une foule. Ça avait mal commencé, disons-le, ça avait très mal commencé pour les Patriotes. encore une fois, cette année, c'est arrivé souvent, un début rapide. Les Patriotes qui accordent très fréquemment le premier but. Jean-Christophe Blanchard, bon, qui cède. Je dis pas que c'est des buts tout à fait faciles, ça, non. Mais dans ce cas-ci, c'est encore une fois. Donc, c'est Lamb qui fait le premier but pour UWO. Des aides à Farmanara et Turkiewicz. Mais ça se continue. Baker vient faire 2-0 et Turkiewicz, encore lui, vient faire 3-0. Donc, très difficile début de match chez les Patriots. On semble nerveux, on commet des erreurs. C'est pas l'équipe qu'on a vue cette année. Surtout pour un match important comme ça, c'est pas l'équipe qu'on a vue, mettons, contre la Suède. Est-ce qu'on pourrait dire que l'équipe était... En étant favori, parce qu'on sentait que les Patriots, je pense, rentraient favoris dans ce match-là, on a peut-être été... on avait tout à perdre du côté des Patriots. C'est peut-être l'attitude qui est venue leur nuire. Donc, ça allait pas bien. Par contre, Félix Petit est venu faire 3-1 avec 4 minutes à faire dans la période. Un but à l'avantage numérique, les aides de Blais et Lessard. La deuxième période est à l'avantage des Patriots qui passent la majeure partie du deuxième tiers-temps à l'attaque dans la zone adverse, mais ils réussissent pas à compter, réussissent pas à déjouer le gardien Kieran Hunt. Donc, ça reste 2-2 après la période. Un match, je dirais, là, très difficile pour l'arbitre Dominique Bédard. Plusieurs erreurs, a manqué des pénalités évidentes. Ça n'a pas été fameux pour lui. Il va même revenir, vous allez voir, dans pas très long. En troisième période, l'UQTR, continue à pousser. Ils obtiennent des excellentes chances de marquer. Il y a des poteaux, c'est difficile. On veut, mais ils vont réussir à marquer. C'est David Chabot-Malte qui va venir faire son premier des séries à 7 minutes 35. Les aides aux grands Fréchette et à Pierre-Luc Lessard. Lessard qui, en passant, connaît d'excellentes séries. Je vais vous donner ses statistiques tantôt. Donc, Chabot Malte, c'est 3-2. Par contre, pas long après, les Western qui viennent faire 4-2 sur un avantage numérique où est-ce que Dominique Bédard, l'arbitre en chef, a appelé une pénalité. Bon, qui, disons-le, la pénalité aurait pu être méritée en première période, en deuxième période. Mais là, de la façon qu'il arbitrait, où il collait absolument à rien... Il appelle une pénalité, un plaquage un peu de dos, mais tu sais, c'était plus une collision quasiment sur Samuel Richard. Les Western vont en profiter pour faire la marque 4-2. C'est Turkiewicz encore lui qui va venir faire son quatrième, donc un avantage numérique. Ça regarde bien mal, je dirais que les spectateurs dans la foule avaient abandonné, l'ambiance était à zéro. Par contre, les Patriots, eux, ont pas abandonné. À 1 minute 31 à faire au match, alors que tout semblait terminé, c'est André Joannis avec un tir quand même facile à arrêter de la ligne bleue où par contre le gardien avait la vue voilée. Donc, Joannis qui vient faire son premier des séries, des aides à Donovan et Petit. C'est 4-3. Reste 1 minute 31, c'est pas beaucoup de temps, on est conscient de tout ça. 20 secondes plus tard, c'est J.S. Breton qui vient faire son troisième des séries, l'homme des grandes occasions, J.S. Breton. Les aides à Lessard et Bellavance Martin à 18-49. Donc, le but, c'est 4-4. On se dit, on s'en va en prolongation, parfait. Non, Olivier Donovan qui vient faire son cinquième des séries. C'est 11 secondes plus tard, on se dirige vers la prolongation. Donc, on se dirige pas vers la prolongation. Oubliez ça, Western vient de l'avoir en pleine face. Ça va être, c'est 5-4. Le Colisée de Trois-Rivières est vraiment en feu. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Ça sautait partout. C'était non seulement au niveau de l'ambiance, mais au niveau du match. Qui aurait cru possible de voir ça? Un déroulement de la sorte. 3 buts en 31 secondes. C'est vraiment là, digne de lancer compte, comme je l'ai dit sur le site inconduitdeparti.com, le blog de l'émission. Un scénario digne de lancer compte, digne d'Hollywood. Incroyable, vraiment. Les gars des Patriots ont monté beaucoup de caractère. Même Alexandre Demers, qui est le capitaine de l'équipe, s'était fait mettre dehors à la suite du quatrième but. Lui qui est bon, il était enguirlandé l'arbitre, c'est comprenable de son côté avec la décision qui avait été prise sur Samuel Richard. Mais non. Mais non, donc c'est ça. Donc, ça va être une 16e partie. Avec cette victoire-là, c'est une 16e participation au championnat national pour les Patriots. La dernière fois, c'était en 2006-2007. Ils ont remporté ce championnat-là canadien 4 fois. Ils sont rendus 6 fois en finale. Donc, ça va être intéressant. On va pouvoir suivre ça. Le championnat commence le 25. Donc, on va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte, l'entraîneur, suite à cette victoire contre Western. Ah, si j'ai vu une fin de game comme ça. Honnêtement, non. J'ai déjà vu des fins de match dans des games de saison régulière, là, avec un but dramatique, deux buts, trois buts en 31 secondes, me trompe-tu? Trois buts en 31. S'il y a une affaire que je voulais qu'on fasse, c'est d'y croire. C'était le message entre la 2 et la 3. Faut que chacun y croit et fasse le crée lui-même le scénario qu'il veut pour les Patriotes. Il y a tellement une belle histoire en arrière de tout ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont passé, plusieurs joueurs qui ont passé puis qui ont fait que cette histoire-là existe. Et ça, je pense que les joueurs qui sont là vont pouvoir dire qu'eux aussi vont faire partie de cette histoire-là à leur façon. Et écoute, une fin de match, Hollywood est deuxième ce soir-là. C'est pas dramatique. C'est extraordinaire comment ça s'est fait. Surtout, tu sais, on perd de Mers, l'arbitre nous donne un mauvais but, un mauvais call. Il compte là-dessus. C'est facile de baisser les bras à 4-2, tu sais. J'entendais les deux assistants entraîneurs, pépé, assis pour être sûr que les gars sont dans un mood de même. On demande un time-out. Ça tourne comme on le souhaite. Regarde, écoute, là. Penses-tu qu'avoir eu un match comme ça peut vous aider, justement, au championnat canadien, à rentrer plus fort puis avoir le momentum, comme on dit? Moins que les coachs, on va le rappeler. Donc, c'était un Jacques Laporte, je dirais, non seulement très heureux, mais extrêmement émotif. Très, vraiment content de la victoire de son équipe, ce qui est comprenable, mais dans un tel scénario, ça, c'est vraiment surprenant, incroyable. Les gens qui étaient là, comme je l'ai dit, ont été gâtés. Même la partie a été repassée, je pense que je l'ai vu 3-4 fois à TV Cogeco. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu ça, j'espère que vous avez réussi à le voir à la télé, mais déplacez-vous, match des Patriotes, ça vaut la peine. On va maintenant aller entendre les commentaires du héros du match, Olivier Donovan. Un but, une passe, c'est lui qui a compté le but gagnant, qui a fait 5-4. Donc, Olivier Donovan. Parle au héros du match, Olivier. But gagnant. As-tu déjà vécu un match aussi excitant que ça ou qui est venu chercher autant d'émotions? Je te dirais que non. Surtout qu'à la fin, on perdait 4-2. Puis on a marqué deux buts, 5 passes. Puis le troisième but, ben, c'est quelque chose qui arrive seulement une fois au hockey. Raconte-nous un peu les émotions, la gamme d'émotions que vous avez vécues pendant le match. Je te dirais qu'au début du match, ils ont pris l'avance très rapidement, mais on est arrivé entre la première et la deuxième, puis on s'est dit qu'on devait pas lâcher, puis qu'on devait avoir aucun regret. En deuxième période, on a sorti vraiment fort. On a vu que les autres étaient un petit peu plus stressés, puis jouaient ses talons. Puis en troisième période, on a continué dans la même direction, puis ça a vraiment bien donné pour nous autres. Non, ça va au championnat canadien. Comment tu entrevois la préparation? Comment ça va se dérouler dans vos têtes à vous autres? Vous entrez avec le momentum à un match comme ça? On va rentrer en premièrement, on va faire des bonnes pratiques dans les deux prochaines semaines, puis je pense qu'on va rentrer en confiance avec cette partie-là. On est capable du meilleur. Confiant pour l'équipe. T'aimes l'équipe avec laquelle tu joues? Oui, on a vraiment une belle gang de gars, un bel esprit d'équipe, puis ça glace quand on se tient, bien, il peut juste arriver des bonnes choses. Olivier, merci beaucoup et félicitations. Alors, c'est Olivier Donovan, comme on l'a dit, celui qui a compté le cinquième but des Patriots dans ce match-là. Je parlais tantôt des statistiques. Bon, Donovan et Pierre-Luc Lessard, Pierre-Luc qui est un joueur de première année, voyez-vous, puis qui est arrivé à Noël, a fait 9 points en 11 matchs pour les Patriots durant la saison. En série, en 8 matchs et 11 points pour le défenseur, il a été la pierre angulaire, je dirais, avec André Joannis dans ce match-là, mais aussi dans les séries au complet. Si les Canadiens s'en vont... les Canadiens, qu'est-ce que je dis là? Si les Patriots s'en vont au championnat canadien, c'est ça que je voulais dire, c'est entre autres grâce à lui. Pour Donovan, ça se continue aussi. Lui, écoutez, Olivier Donovan, champion midget 3A au niveau des compteurs, des marqueurs, champion junior 3A au niveau des marqueurs. Par contre, 5 pieds 7 avec des patins, c'est sûr que c'est pas la plus grosse stature au niveau de la plus grosse shape au niveau du hockey, mais vraiment très, très, très convaincant. au niveau de ses performances en série. 8 points en 8 matchs pour un gars qui, oui, je l'ai dit, a été champion de la OUA, qui était champion de la... pas de la OUA, excusez-moi. Je suis en 3 au niveau des compteurs, mais qui joue un rôle beaucoup plus défensif chez les Patriotes avec Pierre-Alexandre Jonca, entre autres, sur son trio. Donc, très bon aux côtés de leur performance pour Donovan. Donc, allons-y. Les étoiles du match pour cette partie-là, c'est Olivier Donovan, la première, Joannis, la deuxième, et Keaton Turkowicz, la troisième. Très convaincant, par contre, du côté de Turkowicz. Western, écoutez, le retour à London a dû être pénible dans l'autobus. Sans dire qu'on se sent mal pour eux, on se sent mal quand même un peu pour eux. Mais on est bien content de voir les Patriotes se rendre au championnat national. Donc, parlons-en de ce championnat-là. Ça va débuter, comme j'ai dit, le 25 pour les Patriotes. On attend encore la cédule, là. C'est pas sorti exactement. On va pouvoir suivre ça éventuellement, là, très bientôt. Je vais essayer de voir s'il y a des développements pour la Coupe Université. On dit que ça commencerait le 25. Il y aurait 2 matchs du round robin. Comment ça va fonctionner? C'est que c'est on va avoir 2 poules de 3 équipes. Les poules, bon, sont pas encore séparées, on va voir. Entre les équipes, bon, il va y avoir l'Université de l'Alberta et l'Université du Manitoba qui viennent de la Canada West. Dans la OUA, il va y avoir Lakehead, il va y avoir les Patriots, il va y avoir les Redmen de McGill qui ont remporté la Coupe Queens. Et il va y avoir de l'Est, de l'Atlantique, ça va être l'Université St. Mary's qui sont venus battre Saint-FX en 3 matchs qu'ils ont éliminés très facilement. Donc, Mike Denton va être à la Coupe Université. Pour ceux qui ne se rappellent pas de Mike Denton, c'est le joueur de hockey qui jouait avec les Blues de Saint-Louis. Bon, il jouait aussi avec les Devils du New Jersey, qui a été reconnu coupable de, pas tentative de meurtre, mais complot pour commettre un meurtre envers son agent. En tout cas, David Frost, c'était une histoire très nébuleuse. On parlait peut-être aussi d'agression sexuelle là-dedans. Ça n'a jamais totalement été réglé. Dans ça, donc, Denton, qui au moins, disons-le, est de retour à sa sortie de prison, rendu à l'Université à St. Mary's. On a décidé de lui laisser une chance, une deuxième chance du côté des Huskies. Et à date, on peut dire qu'au moins, il apprend. Et on parle souvent de réhabilitation pour les prisonniers, tout ça, les gens qui ont des casiers judiciaires. Si c'est ça que ça prend pour faire de lui une personne qui va avoir une bonne vie pour les... Écoutez, Denton n'est pas très vieux. Il doit avoir fin vingtaine pour les 30-40 prochaines années de sa vie. Je suis très content pour lui. Donc, parlons-en des Redmen de McGill qui, eux, ont remporté la Coupe Queens face à Lakehead par la marque de 3-1. C'était un match quand même chaudement disputé avec 26-27, mais un jeu très fermé du côté des Redmen à partir du moment où ils ont pris l'avance. C'est Wright qui a 2 buts dans ce match-là du côté des Redmen. Andrew Wright, Véropol, lui, qui a ramassé Francis Véropol, le champion marqueur de la saison et des séries des sports universitaires de l'Ontario. Il a été chercher 2 passes dans ce match-là. Picard Hooper aussi 2 passes. Donc, les Redmen vont être à surveiller pour la Coupe Université. Écoutez, au Fort Williams Gardens, à Lakehead, il y avait 3735 personnes. Donc, ça devrait être quand même très plein pour la Coupe Université qui s'en vient très bientôt, comme je l'ai dit précédemment. Le Patriot de la semaine, allons-y avec ça. C'est bien sûr Olivier Donovan, la recrue de la formation de hockey qui a marqué le but qui a envoyé les Patriotes au championnat canadien, le but contre Western Ontario. Donc, félicitations à lui. Lui, Olivier, débute un baccalauréat en enseignement à l'éducation physique et à la santé. Donc, il est ici pour encore au moins 2 ans, sinon plus. Je ne sais pas comment ça prend. Hey, si vous voulez écouter ça, la Coupe Université, les matchs vont être sur SSN, c'est Streaming Sports Network of Canada, donc c'est un site web. Vous pouvez y accéder sur le site de la CIS. Je vais vous donner l'adresse exacte parce que tous les matchs vont être diffusés. Si vous n'avez pas Rogers Sportsnet, là, si vous voulez voir les matchs du tournoi à la ronde au complet, c'est au ssncanada.ca. Donc, tous les matchs sont diffusés sur Internet. Même si vous voulez voir certains matchs que les Patriots ont joué cette année, particulièrement contre Ottawa et Carlton, si vous fouillez un peu sur leur site Internet, vous allez trouver. Les matchs du samedi du tournoi de la ronde et la finale du dimanche seront diffusés sur Rogers Sportsnet à travers le Canada. Donc, c'est une très bonne façon de se faire voir pour les Patriotes. Très bonne représentation pour l'UQTR. Mais aussi très bonne façon de se faire voir pour les joueurs qui, eux, les recruteurs de Ligue nationale ont l'habitude quand même plus de se déplacer pour ce type de match-là, contrairement aux matchs normaux de la saison. Donc, ça va être intéressant. L'inconduit de partie va vous tenir au courant là-dessus de tout ce qui va se passer. On va à la musique. On va aller écouter le sabot doré, ça s'appelle. Le sabot trio, plutôt, que ça s'appelle, avec la chanson Jenny Girl. Au retour, on parle des Patriots Soccer qui débutaient leur séries éliminatoires en fin de semaine. On vous donne le résultat. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Alors, Jenny Girl. As-tu trouvé ton Johnny Boy ce soir? Bien me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduit de partie. Alors, c'était le Sabot Trio avec la chanson « Jenny Girl ». Je trouve ça excellent. C'est pépé. Ça me rappelle un peu le ska des années... sans être ska totalement parce qu'il y a un peu moins de cuivre, là, mais un petit peu... En tout cas, je trouve ça bon. Je suis pas un expert en musique, mais ça, j'aime bien ça. Donc, on continue. Allons-y avec les Patriotes féminines et masculines qui débutaient leur série éliminatoire en fin de semaine. Les deux équipes allaient affronter McGill. On sait que du côté des Patriotes masculins et féminins, ça n'a pas été tout à fait la même histoire cette saison. Chez les hommes, on a terminé 5e au classement avec une fiche de 2 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Par contre, chez les femmes, c'était beaucoup plus difficile avec seulement 1 victoire, 6 défaites. Et on a compté 4 buts dans la saison, donc plus difficile en tant que tel. Pour eux, pourtant, qui n'avaient pas eu une si mauvaise saison que ça à l'extérieur, donc à l'intérieur, ça a été beaucoup plus difficile. Allons-y avec les pointages. Pour les Patriotes féminines, ça s'est terminé par la marque de 3-0 pour les Martlets. Donc, c'est terminé pour eux. Les filles... dans le match, bon ben la joueuse par excellence a été Jessica Lavallée qui récolte le joueur du match. Et on peut souligner la performance d'Alexandra Morin-Boucher qui a récolté 2 buts dans ce match pour les Martlets. Chez les hommes, on affrontait McGill qui, eux, McGill sont classés 4e au classement. Donc c'était 4e contre 5e au niveau des deux équipes qui s'affrontaient. Eux qui ont terminé avec 3 victoires, 2 défaites, 1 nul et 14 buts durant la saison, 10 points. Eh bien, on s'est défendu quand même pas mal chez les Patriots, mais ça n'a pas été assez. C'est une défaite de 3-1 pour la troupe de Pierre Clermont. Donc, le but des Pats est venu du pied de Yannick Fournier avec une aide à Philippe Saint-Laurent. Fournier qui a d'ailleurs été nommé le joueur du match du côté des Patriots. Donc, c'est terminé pour eux pour cette saison. Ça va se continuer. Si vous voulez continuer à suivre les activités des Patriots, pas des Patriots, mais du soccer de la CIS, dans le fond, ou le soccer universitaire québécois, la finale de la Ligue va être diffusée sur le tout nouveau site sportetudiant.tv, qui est fait en commun, dans le fond, avec le site sportetudiant.com, qui est la Fédération québécoise des sports étudiants, qui lance ça. Ça va être ce qu'on appelle un webcast. Donc, qui va être sur Internet. J'ai hâte de voir la qualité qui va être présentée. J'ai hâte de voir si ça va avoir des commentateurs ou si ça va être juste filmé. Ça va être intéressant à voir. Donc, on va regarder ça très bientôt. Donc, la finale, elle, va se dérouler le dimanche 28 mars. Ça va être ici même à Trois-Rivières en plus. Donc, on va suivre ça. Je veux juste savoir, la finale féminine aussi va être diffusée la même date. Il va y avoir 2 heures de différence. Donc, une partie à 14h, une partie à 16h sur sportetudiant.tv. Et si vous voulez aller voir ça, bon, ben, c'est au centre Alphonse Desjardins. C'est pas très, très loin. Vous prenez l'autoroute, vous vous rendez. C'est à côté. On va aller à une pause. Au retour, on va parler March Madness avec JP Grenier. Donc, le tournoi de basketball américain, collégial américain qui débute très bientôt. On va tout vous expliquer ça. Si vous voulez nous rejoindre en onde, c'est le live. Je dis nous, là, mais par nous, je dis je ce matin parce que Pierre-Luc Giroux n'est pas là pour l'instant. On vient de le rejoindre. Il dormait. Ouais, il dormait. Il est passé tout droit ce matin, Pierre-Luc. Donc. Les alarmes, ça coûte cher. Donc, je voulais me rejoindre en ondes. C'est le live à commercialinconduitdeparti.com. Notre site web, le blog, j'ai écrit un bel article pour ceux qui veulent savoir exactement ce qui s'est passé dans la partie des Patriots contre Western. C'est www.inconduitdeparti.com. On se revoit après la pause. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou de la musique. C'est fou 89 ans. 89 ans. À l'œil toi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, et je vous suspends toi, écoutez, toi. L'hymne national! L'œil conduit de partie. Bye. Vaughan Molly avec la chanson Drunken Lullabies. On est en mode Saint-Patrick Irish ce matin, donc non, je ne suis pas sous, mais pas loin. Non, honnêtement, j'adore le Saint-Patrick, donc j'adore le Saint-Patrick. Je trouve que c'est une fête qui est vraiment... c'est un peu comme la Saint-Jean-Baptiste. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Patrick, ils se demandent tout à pourquoi que... Bon, il y a beaucoup de gens qui sont pactés, comme dimanche passé. Il y en a même un qui a pris la mauvaise décision de grimper sur un chariot allégorique, et ça lui a coûté sa vie, malheureusement. C'est un peu comme c'est la fête des Irlandais, dans le fond, autant que la Saint-Jean ici. Donc, on est en mode Irish ce matin, on s'amuse. Aux États-Unis, dans la NCAA, c'est le March Madness qui débute. Ça se débute ce soir en tant que tel. Ce qui se passe, il y a 64 équipes dans la compétition en tant que tel. Par contre, vu qu'on veut faire de quoi d'un petit peu plus, sans dire palpitant, là, j'essaie de trouver le mot qui serait précis, mais pour vraiment être intéressant, on va mettre une 65e équipe. Ils vont faire affronter la 64e et la 65e équipe. Donc, ils vont faire affronter la 64e et la 65e équipe, un contre l'autre. Ce soir, c'est diffusé télé nationale, là, c'est ESPN, je pense, qui diffuse ça. Donc, on va parler à notre expert, JP Grenier. Je me suis entraîné avec lui ce matin. On va voir un peu ses prédictions. Ça va vous permettre d'aller, si vous allez sur Yahoo, si vous allez sur différents sites, vous faites ce qu'on appelle remplir une braquette. Donc, la braquette, c'est vous faites vos prédictions. Qui va partir de où, on a toutes les positions et qui va se rendre jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a des concours là-dessus, il y en a qui vont gagner des millions s'ils l'ont parfaite. C'est à peu près impossible d'avoir ça parfait, mais donc ça. Donc on s'entretient avec JP Grenier. Alors JP, est-ce que tu as fait ta braquette? Je l'ai faite, oui. Et qui est ton favori? Mon favori, Kansas. Kansas, toi, écoute, je te dirais que c'est pas un mauvais choix, Kansas. Le March Madness, écoute, tu sais, à toutes les années, les équipes, il y a 64 équipes qui vont participer au tournoi, 65 si on parle du match d'entrée. Les chances que les quatre premières équipes, les équipes classées premières dans les quatre poules qui se rendent en finale sont faibles. C'est arrivé une fois, je pense, dans l'histoire. Si je me trompe pas, il y a deux ans environ que c'est arrivé, mais sinon, vraiment, c'est très, très rare. Vois-tu, moi, il y a plusieurs équipes que je favorise pour le March Madness. J'aime West Virginia, mais je pense en effet que Kansas, très bien placé pour Kansas. Je serais pas étonné de les voir aller jusqu'au bout. T'as Ohio State qui sont très bons. Villanova aussi, ça va être très intéressant. Parle-nous un peu du tournoi, comment ça va se dérouler. Ben, ça va se dérouler pour les prochaines semaines. Dans le fond, là, tu l'as dit, il y a 60 équipes qui s'affrontent. La façon que c'est partagé, on en a parlé un peu la semaine passée, là, t'as les meneurs de chaque division, des 32 divisions, sont sûrs d'être là. Et puis le reste des équipes, c'est pigé par un comité de sélection qui, eux, ont fait ça dimanche soir à 6h. Ça a été fait, ouais, c'est ça. Donc, on a 32 équipes pour les conférences. Puis les 33 autres, c'est le comité de sélection. Exactement. C'était pas nécessairement ceux qui avaient les meilleures fiches, mais ceux qui avaient eu les meilleures saisons selon leurs adversaires, tout un peu comme on fait au football avec le BCS. Ok, je comprends. Il y a des équipes quand même surprenantes qui sont pas dans le tournoi. On pense à North Carolina, UConn aussi, qui sont pas classés. Ben, c'est des premières, ça, surtout North Carolina, qui sont des habitués. Les Tar Heels, Michael Jordan, Vince Carter. C'est eux qui ont gagné même l'an passé. Oui, donc c'est ça. Je sais pas si c'est une première là, qu'une équipe championne ne soit pas là la saison d'après. Mais écoute, moi je m'attendais à les voir là comme d'habitude. C'est une habitude pour nous de les voir là. Il y a aussi à UConn qui a parlé. Oui, UConn. Toujours une force, donc c'est ça la magie du basketball. Qui eux vont participer à ce qu'on appelle le NIT Tournament, là, qui est comme un autre tournoi qui se déroule à New York, qui est comme avec les meilleures équipes qui n'ont pas fait les séries, si on peut dire. Tournoi comme de... De consolation. De consolation, exact, merci. Oui, exactement. Ben, ils appellent ça le NIT. Je sais que ce NIT a une signification, mais plusieurs vont appeler ça le Not Invited Tournament. OK. Une petite... quand même intéressant, là, comme nom. C'est le National Invitational Tournament. Donc, le nom officiel pour ça. Merci, Wikipédia. Donc, parle-nous un peu des équipes. Qui s'est classé, qui s'est pas classé? Ben, dans le fond, là, le tournoi, il est divisé en quatre parties. Okay. T'as le Midwest, t'as l'Ouest, t'as l'Est, puis t'as le Sud. C'est pas nécessairement là, les équipes qui sont dans leur propre région. T'as des équipes qui vont faire beaucoup de routes pour aller jouer. Je vais peut-être commencer par le Midwest, là, vu que c'est le premier sur ma liste. Je vais peut-être faire un survol des équipes les meilleures. Tout d'abord, Kansas, qui sont mes préférés, mes favoris pour cette année. J'aime bien aussi les chances de Michigan State, qui, c'est sûr qu'à tous les années, ils ne se classent pas d'un premier, sauf tout le temps des prestations solides d'eux autres. Ça choque souvent, par contre, vers la finale, Michigan State. Là. Ils ont été mieux classés que ça, ils sont cinquièmes dans cette poule-là, mais ont été mieux classés que ça les autres années d'avant, là, les années précédentes. Je me souviens même qu'il y a deux ans, il était classé troisième au pays, puis finalement, c'était même pas rendu au Final Four. Donc, c'est décevant pour eux, mais je leur souhaite la meilleure des chances. Un autre club qui est mon, comment on pourrait dire ça, mon choix surprise, là, mon sleeper. Ouais, ton sleeper, hein, ton upset pick. Exactement, les Volunteers de Tennessee. OK, oui. Donc, cette équipe-là, up-tempo, comme ils disent en anglais, là, c'est... On se fait marquer, on y va tout de suite, c'est up and down, là. C'est du jeu nord-sud, donc j'adore vraiment leur style de jeu, puis ils ont des joueurs solides, là. Un des meilleurs gardes de pointe du tournoi, j'aime bien leur chance, sinon tu l'as nommé Ohio State, tout le temps une force, surtout cette année, là, avec l'émergence de leurs meilleurs joueurs qui sont seniors. Et le Midwest, on appelle ça un peu le Deadpool, là, qui vont être très difficiles. Kansas ne l'aura pas facile en tant que tel. Là. C'est probablement le pool le plus solide. Exact, t'as d'autres équipes super solides comme Houston, Maryland, Georgetown, les fameux Hoyas, là, on a tous déjà eu des manteaux de ça. Ouais, la mode dans les années 90, tout le monde avait des manteaux de Notre-Dame, des Hoyas. Michigan. Pourquoi? Y a-t-il une raison pourquoi ça l'a invité? Parce qu'il n'y a pas personne qui écoutait ça là, au Québec. Tu sais, moi, je me rappelle que j'en avais acheté un de Notre-Dame chez JVS là, à Saint-Hyacinthe. Là. Ben écoute, Nicolas, c'était vraiment la même affaire avec pourquoi on avait tous des manteaux, des shirts à San Jose, des Mikey Dogs. Non, mais ça, moi, c'est du hockey. On les connaissait. Oui, mais c'est toutes des équipes qu'on s'en fout. Là, t'appelles-tu la mode des Hornets de Charlotte? Les Hornets de Charlotte avec leur turquoise. Les Grizzlies de Vancouver également. Mais j'étais-tu seul qu'ils appelaient les Charlotte de Hornets? Je pensais qu'Hornets, c'était la ville, puis Charlotte, c'était le nom de l'équipe. Ah, non, pas moi. C'était le seul, en effet, Nicolas. C'est pas vrai. Il y en avait d'autres à Saint-Pie qui faisaient ça. Allez, continue-moi ça. All right, je vais passer dans l'Ouest. Peut-être un pôle un peu moins fort, sauf que t'as des équipes qui se démarquent comme toujours, dont le match que je sais que toi, tu attends tout particulièrement. En effet. Entre les numéros 1, Syracuse, et les Catamounts de Vermont, qui ont de peine et de misère mérité leur place mais cette non, année. Pas de peine et de misère, qu'est-ce que c'est? De peine et de misère, ils sont 16e, là. Ouais, non, mais je comprends qu'ils sont 16e, mais ils ont quand même, le tournoi a été très bien pour eux, là. Ils ont dominé le tournoi de la conférence America East. Moi, je me dis, ils ont classé 16e, j'ai l'impression que c'était pour les voir affronter Syracuse. Pour ceux qui ne savent pas, Syracuse, les Orange Men et les Catamounts se sont rencontrés en 2005 dans le tournoi. À ce moment-là, les Orange Men étaient classés 3e, les Catamounts étaient classés 14e et qui sont venus les... En prolongation, TJ Sorrentine du centre qui fait 3 points, il élimine Syracuse. Probablement, c'est la plus grande victoire dans l'histoire des Catamounts. C'est probablement une des pires défaites dans l'histoire de Syracuse, ce match-là. Donc, moi, je ne suis pas surpris pour le show, comme on dit, là, pour le spectacle qu'on est venu les faire s'affronter. Mais c'est ça, Nicolas. Là, toi, es-tu au courant comment ils déterminent les matchs? Est-ce que c'est pigé? Parce que là, dans ce cas-là, on peut vraiment voir, sans être arrangé, il y a comme une belle coïncidence qu'on voit là. Là. Écoute, je te dirais, continue. Je vais me renseigner là-dessus. Je vais voir ce que je peux trouver un petit peu sur... les internets. Parfait. Aussi, dans ce pool-là, les équipes que moi, selon moi, ils vont se rendre loin, t'as Butler. Toujours solide année après année, malgré que ils vont pogner le gagnant. Non, pardon, je dis rien, oublie ça. Il y a aussi Xavier. Et toi, tu parles de Butler, là. J'ai lu beaucoup sur Internet. Sois pas étonné si UTEP sort de là. Si l'Université du Texas à El Paso viendrait surprendre Butler, on parle de beaucoup que ça serait un upset, une surprise, y a-t-il un mot en français pour upset? Je ne sais jamais, mais une surprise. Écoute, un déroulement surprenant. Donc, UTEP pourrait sortir, c'est une des favoris. Je te parlerai des autres aussi qui on parle de possibilités de surprise en première ronde. J'aime bien aussi Xavier, comme je t'ai dit, sauf qu'il joue contre les Golden Gophers de Minnesota. C'est l'autre surprise. Et puis, eux, ils ont sorti en fin de semaine une grosse équipe. Je me souviens plus c'est qui. En plus, j'ai écouté le match, mais il menait comme 60 à 20 là, après deux demi. Donc, non, c'est ça. Minnesota m'ont surpris par leur jeu offensif. Des bonnes qualités athlétiques chez leurs gars, gros des gars qui sont capables de dunker. Ben, Minnesota s'est rendu en finale du Big Ten contre Ohio State, peux-tu? Non. Non, OK. Non, c'est ça. C'est, je me souviens plus de l'équipe contre qui ils jouaient, mais ils ont surpris. Ils sont classés 11e dans ce pool-là. J'essaie de trouver ça, là. Ils ont sorti... ils ont éliminé Purdue. C'est Purdue? C'était Purdue, c'est Purdue, ça. Purdue, exactement. C'est ça, hein? Exactement, merci. Puis, d'après moi, le représentant de l'Ouest pour le Final Four, Kansas State, qui vont battre tout le monde dans cette catégorie-là, là, solide comme club. En fait, les deux clubs de Kansas, contrairement au football, ils sont vraiment pas bons. non, au basket, ils représentent vraiment une force. Ben, Kansas a tout à été une école de basket, là. Exact. Comme pareil pour Kentucky, pareil pour North Carolina, Duke aussi, qui... Écoute, si j'ai investi de l'argent, je le fais pas sur Duke, là, on s'entend. Là. Syracuse aussi, là. Les équipes qui sont classées, très haut classées cette année au premier rang, c'est pas des équipes de... Les quatre équipes en premier, c'est pas des équipes de football, c'est des équipes de basketball, vraiment. Ohio State est une école plus répartie. West Virginia, c'est la même chose. Villanova... une école de basketball. Ouais, c'est ça, oui, Villanova, vraiment... Donc, c'est ça, Kansas State, des équipes de basketball. Là. Si on le Midwest américain, souvent, c'était fort le basketball, comme dans le film Hoosiers. Exact. Tu te rappelles du film Hoosiers? Les petits chocs. Ouais. Un excellent film. Même je pense que j'ai encore ton CD chez nous. Ah ouais, je le sais. J'ai un chose, d'ailleurs. Faudrait que je fasse mon tour. Tu viendras avec ton pick-up, m'a donné ce qui t'appartient. C'est bon. On a fait un survol maintenant de l'Est, avec Kentucky qui est numéro 1. J'adore leur équipe, ça a comme pris environ 20 matchs cette année avant qu'ils soient vaincus. D'après moi, là, ça joue entre Kentucky et Kansas cette année. Les Wildcats, qui depuis quelques années étaient comme redescendus à un niveau beaucoup moins élevé, sauf cette année, ils vont pour le tout avec gros des joueurs de dernière année. Donc, j'adore leur chance. Une équipe expérimentée. Exact. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un Québécois qui jouait pour eux. Oui, ben il y a eu plusieurs Québécois qui ont joué dans la NCAA. Récemment, on se rappelle de Max Paulus. Oui. Il y était deux Québécois dans cette équipe-là, j'essaie de me souvenir. Davidson. À Davidson, c'est ça, t'avais Max Paulus, puis l'autre c'était... je préfère pas m'avancer, là, mais oui, il y avait deux Québécois dans cette équipe-là qui étaient venus quand même, ils s'étaient rendus loin, hein? Exactement, puis c'était à cause de leur gros joueur, Curry. Ouais. Stephen Curry qui avait... Stephen Curry, le fils de l'autre. Exactement, donc il avait carrément défié toute la prédiction, il s'était rendu loin. Il y a tout le temps une équipe par année qui se rend loin. L'équipe Cendrillon, comme on les appelle, ils se rendront pas jusqu'à la fin normalement, mais je me rappelle, c'était George Davidson aussi, il y a quelques années. George Mason, excuse-moi. Qui s'était rendu quand même, il avait fait le... Est-ce qu'il avait fait le Final Four? Oui, il l'avait fait. Il l'avait fait, hein, puis il était comme classé 13e, 12e environ, là. Je ne peux pas me tromper, là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais qui s'était rendu loin. Puis c'est un peu ça qui est le fun avec le March Madness. C'est que n'importe qui, tu peux avoir une surprise à tout moment. Puis il y a tout le temps des matchs aussi. Les premières journées, là, le jeudi et le vendredi, là, que ça va commencer. Donc, jeudi et vendredi, que ça en vienne. Soyez pas étonnés en ouvrant votre télé. Il va y avoir du basketball du matin jusqu'au soir. À part pour l'heure des nouvelles, puis en fin de soirée, puis pendant The Price is Right. All right. Donc, on touche pas à The Price is Right. Non, on touche pas à ça. Non. C'est mon émission. Donc, c'est pas que je m'intéresse pas à la section Ouest, sauf qu'avec le peu de temps qu'il nous reste, je la trouve plus ou moins équilibrée. Là. Il y a gros des équipes qui vont battre les plus petites. Sinon, dans le Sud, pour terminer, t'as mon équipe, Duke. Je sais que toi, Nicolas, t'aimes pas ça parce que je prends pour les meilleures équipes, mais écoute... Non, mais t'es un suiveux, c'est correct. Je suis un suiveux, puis depuis toujours, c'est mon université au basket, je les adore. Donc, une équipe qui pourrait surprendre dans la section Sud... J'aime bien les chances de Texas A&M ou Louisville même. Oui, ben on parle beaucoup de que le gagnant California Louisville pourrait représenter une très grosse surprise et aller sortir Duke en deuxième ronde. On parle beaucoup de ça chez les experts aux États-Unis que le duel Californie Louisville pourrait vraiment comme représenter l'équipe qui va être l'équipe Cendrillon. qui viendrait sortir Duke, qui se rendrait plus loin. Je ne sais pas que ça va arriver. Duke, on parle d'une très grosse machine de basketball, mais on parle quand, justement, là, dans les possibles upsets, c'est un autre qui est mentionné. All right. Puis, comme Louisville, on sait que depuis la fin de saison, ils décevaient gros des défaites à un moment un peu opportun, sauf que là, je pense qu'ils vont être prêts pour le tournoi. Ça va se jouer. Vraiment, Duke va gagner cette division, cette partie-là du tournoi, sauf que, écoute, mon Final Four, juste pour terminer, c'est Duke, Kansas State, puis j'aime bien les chances et tout l'autre que j'avais dit, Kentucky. Kentucky, donc 1-1-1 et 2. Exactement. C'est quand même. Oui, quand même. Et puis, j'ai bien l'intention de remporter la braquette d'un million. Ouais, mais t'es pas éligible. Millionnaire d'ici deux semaines. Sur Yahoo, ça? Sur Yahoo, exactement. Donc, t'es pas éligible, t'es pas éligible? Non, il y a un moyen. Les Canadiens sont pas éligibles. Ah, t'as des connaissances qui pourraient t'arranger ça 50-50? Exactement. Je peux-tu avoir des noms? Je te les enverrai par courrier. Merci. Hey, écoute, moi, je te dirais de mon côté, je suis encore très indécis. J'ai pas fini ma braquette. J'attends encore, je continue à... J'hésite beaucoup sur certains choix. Je faisais ça dans mes cours hier, donc... j'hésite. J'aime beaucoup Kansas, je pense que Kansas va se rendre. Kentucky, j'ai l'impression aussi. Je pense pas que Duke va se rendre. Je pense pas que Syracuse va se rendre. Tu parles de Kansas State. Kansas State est une très bonne... je pense que t'as de quoi de très bon là-dessus. En passant, pour en parler, mais je pense pas que Vermont va sortir Syracuse cette année. Là. Mais Pittsburgh serait une autre possibilité aussi. Puis, j'en parlais tantôt de Kentucky. Ce qui aide, c'est qu'ils ont le meilleur joueur au pays, John Wall, qui va être premier choix au total cette année. Ça vient aider, ça. Donc, un méchant bon joueur, là, regardez-le à l'œuvre. Super impressionnant pour un gars de 18 ans. Là. Ouais. Ça mérite d'être vu. Moi, je veux dire, regardez Baylor aussi, qui pourrait être très surprenant. Ils sont dans la Sud, sont classés 3e dans la section Sud, mais Baylor pourrait être très, très, très surprenant. Donc, ça se déroule où, ça? Dis-moi donc ça. C'est-tu les premiers... Cette semaine, dans le fond, on va y aller avec cette semaine, ça se déroule. J'ai Oklahoma City, Spokane, Providence. Dans le fond, ça se déroule un peu partout à travers l'Amérique, là, les États-Unis. J'ai Milwaukee, Buffalo, San Jose, je l'avais nommé, hein? Oui. Je leur nomme. Je pense que je les ai tous nommés. Donc, un peu partout à travers, tu sais, Jacksonville, c'est en Floride, Buffalo, c'est en haut, San Jose, c'est à l'ouest, Spokane, c'est dans le... Spokane, dans l'État de Washington? Oui, ou que les clubs juniors majeurs de l'Ontario de l'ouest. Je sais l'ouest, pas si c'est la même arena que les Chiefs de Spokane. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais c'est ça, puis Nouvelle-Orléans, bon, ben dans le sud un peu, on va aller mettre ça dans le... Je pense qu'il y a un club de la East Coast en Nouvelle-Orléans, là... pas grand-chose qui se passe là, donc c'est ça. Et le March Madness en tant que tel, lui, ça va se dérouler, pas le March Madness, mais le Final Four, ça va se dérouler à Indianapolis, au Lucas Oil Dome, donc le stade des Colts d'Indianapolis. Et ça se déroule, ça, dans 3 semaines, dans le fond, le 5 avril, c'est la finale, le 3 avril, c'est les demi-finales. On va continuer à parler de ça les autres semaines aussi, hein, on va donner les résultats et nos surprises et où est-ce qu'on s'est fait avoir et où est-ce qu'on est fiers de nos choix. All right. C'est bon? Good. Attention à toi, JP. Salut. Donc, c'était JP Grenier qui était avec nous ce matin. On s'est entretenu avec lui. Toi, Pierre-Luc, le March Madness, ça dit-tu de quoi un peu? Ah oui, Pierre-Luc vient de se joindre à nous, qui est finalement... Réveillé, Pierre-Luc? Ouais, enfin réveillé. Hein, réveil brutal, mais ça va bien. Quand c'est ta voisine qui vient cogner dans ta fenêtre, là, ça réveille assez. Je remercie Audrey Bédard d'avoir été réveillé, Pierre-Luc. Ouais, merci beaucoup, Audrey. Moi, je me demande, c'est-tu toi qui t'intéresse un peu? Pas vraiment. Je te dirais que je suis pas un grand fan de ça, mais... Ben, tu vas suivre un peu. Quand même, c'est sûr. J'aimerais ça te faire ça. Je pense que je vais m'amuser avec toi. Ce que je vais faire. Moi, je suis pas un grand connaisseur non plus, mais j'ai fait ma braquette, OK? J'ai rempli mes choix. Bon, j'ai lu un peu sur Internet. Je vais jouer avec toi. Tantôt, on va aller faire ça. Bon, on va vous en reparler dans les prochaines semaines. Tu vas aller faire ta braquette, toi qui connais absolument rien, OK? puis tu vas aller remplir ça. Je suis curieux de voir lequel des deux va avoir la meilleure note. Parce que dans ce tournoi-là, c'est des surprises. Des fois, l'équipe qui est classée 11e va aller battre celle qui est classée 6e. C'est tout à des choses comme ça qu'on s'attend pas. Fait qu'on va aller comparer ça. Regarde, je vais te donner le meilleur exemple. La première année que j'ai fait ma braquette, OK, tu as 32 matchs la première semaine, OK? Pas la première semaine, mais les deux premières journées. Sur 32 matchs, moi qui connais absolument rien, j'étais 31 à 32. J'étais 8e sur Yahoo. Puis Yahoo, là, il y a des millions, là, j'étais 8e sur Yahoo. Après ça, ça a tombé, puis j'ai fini dans les 10, 15, 20 millièmes, tu sais. Ouais. Mais, 31 à 32, c'était assez surprenant, mais ouais. Moi, je comprenais rien. Puis quelqu'un qui aurait une braquette parfaite, il serait, qui est américain, là, parce que c'est un concours juste pour les États-Unis, remporte $1 million sur Yahoo. Donc, ça. On voit à peine de connaître nos affaires. Ouais. Des coups, tu connaîtrais ça. Bon, on va essayer ça. Des coups, t'aurais de l'allure là-dessus. Fait que, on va aller une pause. Au retour, on va vous parler plein de nouvelles, là, tout ce qui est l'actualité. En fin d'émission, puis à l'heure, il va arriver 20, 23 à peu près. On va commencer à parler hockey junior. Bien sûr. On va faire les prédictions pour les séries. Ouais. Ben donc, ça va aller jusqu'à... On va finir l'émission avec ça carrément. Donc, manquez pas ça. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui va se dégouler, comment on entrevoit la première ronde des séries dans le hockey junior majeur du Québec. On passe à une pause. C'est fou, c'est comme un balai. C'est comme un balai. Yeah. Alors, c'était un peu plus fort des Vulgaires Machins. Ça vient de leur dernier album qui s'appelle Requiem pour les sourds. Donc, j'avais très hâte que ça sorte. J'ai commencé à l'écouter lentement, mais sûrement, mais j'ai pas eu le temps nécessairement d'aller un peu plus en profondeur dans l'album. Mais s'il est aussi bon que le dernier, ça va être excellent. Donc, allons-y, Pierre-Luc, avec différentes nouvelles. Premièrement, j'ai parlé beaucoup du championnat masculin de hockey tantôt. C'était le championnat féminin de hockey, par contre, en fin de semaine. La finale a opposé les Martlets de McGill aux Pandas de l'Alberta. Les Pandas qui, bon, c'est drôle pareil parce que McGill et Alberta vont aussi être au championnat masculin. Donc, ils se sont retrouvés au championnat féminin. Les Martlets, c'était 86 victoires d'affilée. Ils ont pas perdu de match depuis 86 victoires. Ils ont pogné le mauvais moment pour en perdre un. Ils ont perdu 2-0 face aux Pandas de l'Alberta en grande finale. Donc, très difficile de défaite. C'est Charline Labonté qui est dans les buts pour les Martlets. Il y a beaucoup de joueuses de hockey là-dedans qui ont fait les Olympiques, là, dans le fond, carrément. Là. Donc, c'est ça. C'est intéressant, pareil. Vois-tu, là, au niveau, je sais pas, j'essaie de voir. Ça se tenait à Antigonish, qui était en Nouvelle-Écosse. Je pense que c'est pas super loin d'Halifax, mais je pourrais pas te dire exactement c'est où. Donc, ça, c'était la première nouvelle qui était intéressante. T'as-tu midget? Non? OK. On va continuer avec les nouvelles. Hockey Luge, le Canada qui vise le triplé. T'as-tu écouté un peu le Hockey Luge? T'as-tu pogné ça? Ouais, je l'ai pogné un petit peu. Ça, c'était la semaine dernière. Ouais, ben, ça a commencé, le tournoi a commencé en tant que tel depuis. J'ai pogné en fin de semaine l'Italie, dans le fond. C'est quoi le Hockey Luge? Bon, qu'est-ce que tu penses de ce sport-là? Ben, moi, je trouve que c'est intéressant, mais ça a ses points forts, ses points faibles, je te dirais. Comme? Ben, je te dirais que qu'est-ce qui est le fun, c'est vraiment. C'est spectaculaire quand même de voir ça. C'est très différent du hockey, mais je trouve que c'est un petit peu moins rapide. Oui, ben c'est sûr en tant que tel, parce qu'avec une en étant à l'eau, je sais pas ce qui t'aide le plus à être extrêmement rapide, mais non, quand même, moi j'adore ça. Je trouve qu'ils ont moi ce qui m'impressionne, c'est la qualité de leur tir. Il y en a un. Tu sais, de la ligne bleue, là, quand t'as pas de. Tu sais, c'est des petits bâtons là, en tant que tel. Non, là, c'est gars-là ont des poignets vraiment assez forts en tant que tel. Des gars en forme quand même, très en forme. Des gars forts du poignet. Forts du poignet, je le sais, était facile à faire. Pierre-Luc! Donc, c'était la première nouvelle. On vise le triplé chez le Canada, on l'a remporté. Donc, c'est ça. Ils sont quand même favoris là, au niveau de tout ça, au niveau des choses. J'ai hâte de voir. Deuxième nouvelle pour les Jeux paralympiques, c'est Brian McKeever. Tu te rappelles de lui, le skieur de fond aveugle, dans le fond, qui est venu remporter la première médaille pour le Canada aux Jeux paralympiques. Écoute, il s'était classé pour les Jeux olympiques normaux. Donc, comment ça se fait, eux autres, c'est que tu vas avoir un guide en avant de toi qui va te dire bon où aller un peu. Dans ce cas-ci, c'est son frère qui est guide, Robin McKeever, qui lui a participé aux Olympiques de 98 à Nagano. Donc, Brian McKeever, qui, malheureusement, il avait été choisi pour les Jeux Olympiques, mais il n'a pas participé. Il était supposé participer à l'épreuve relais sur 50 km, si je ne me trompe pas. Et non, il n'a pas participé parce que les quatre Canadiens qui étaient là, bon, entre autres Alex Harvey, j'ai oublié les noms des autres, mais qui étaient comme trop hot. Puis ça allait trop bien, puis l'entraîneur a pris la difficile décision de laisser McKeever de côté. Qui avait quand même fait un peu de chiale et un peu de. Ben c'est difficile là, au niveau du cœur et au niveau des émotions là-dessus. Mais bon, il y avait. C'est ça, mais au moins, il a pu se reprendre. C'est pour bien ça. Repris aussi au temps arrêté. Exactement, mais entre toi et moi, on se doute où c'est qu'il aurait préféré être. Hein? Ça, c'est sûr. Et dernière nouvelle olympique, les 3 vieux candidates pour les Jeux de 2018, les Jeux d'hiver de 2018, sont connus. Il s'agit d'Annecy en France, Munich en Allemagne et Pyeongchang en Corée du Sud. Pyeongchang, je pense que c'est la troisième fois qu'ils vont appliquer. Ils s'étaient essayés pour en 2002, puis ils s'étaient essayés contre Québec en 2002. Ouais. Ils s'étaient essayés contre Turin. Ils s'essayent maintenant pour 2018. S'ils l'ont pas en 2018, écoute... Jamais 203. Ouais, c'est ça. T'es vache avec eux autres, mais c'est un bon... c'est bien dit. Donc, les résultats vont être annoncés le 6 juillet 2011 à Durban, en Afrique du Sud. Donc, on a le temps d'y penser. Ouais. Tu mets déjà 3, Pierre-Luc? Midget 3A, non, malheureusement. Ah, ben, vas-y, sors-moi ça, Midget 3A. Je pensais que mon signe était assez évident. On va y aller avec la Ligue nord-américaine de hockey qui est en action cette semaine. C'est les séries qui se déroulent présentement entre l'Isothermique et le Caron-Aiguë. On peut pas dire que le Caron-Aiguë l'a très facile présentement. C'est des victoires de l'Isothermique 7-6 le 12 mars et 6-5 le lendemain, le 13 mars, à Thetford Mines. Donc, c'est 2-0 dans la série pour l'Isothermique. Caron-Aiguë, bon, la Ligue a quand même beaucoup de parité. C'est intéressant, par contre, à voir que l'équipe qui s'est classée deuxième... excuse-moi, Caron-Aiguë s'est classée... Ah, j'ai pas les stats devant moi. Mais, donc, c'était quand même très bien classé. A de la misère à battre l'Isothermique comme ça. On va leur souhaiter de remonter. Vois-tu, le Caron-Aiguë qui s'était classé deuxième au classement avec 44 matchs joués. Il y avait 25 victoires, 11 défaites. Attends, je tiens à mentionner que le site de la Ligue nord-américaine de hockey est tout croche présentement. Là, on me dit 25 victoires, 11 défaites et 2 points en série. Donc, il en manque c'est un bon, peu. C'est... Tandis qu'ils ont terminé, avant-dernier de la Ligue devant le Los Angeles de Pont-Rouge qui a été disqualifié. Donc, on peut dire dernier de la Ligue dans le fond avec 16 victoires et 24 défaites. Donc, c'est ça pour les séries. Les Stackers, malheureusement, sont éliminés. Et oui. Contre le Lac Saint-Louis la semaine dernière. Ça a été court en série pour eux. Ça a été court, très très court. On a été à la deuxième série et malheureusement, on a perdu 4-1 là, dans la série contre le Lac Saint-Louis. Donc, c'est malheureux parce qu'on avait beaucoup d'espoir pour eux en séries éliminatoires. Mm-hmm. Donc, finalement, les Estacades qui n'auront pas fait long feu. Ils n'auront pas fait long feu, malheureusement. Pour eux. Hey, on va switcher football. Je sais, il y a de bonheur dans la saison puis tout pour parler de football, mais... C'est l'entre-saison, c'est le repêchage qui s'en vient. Et les Argonauts ont été plus vite que tout le monde. Ils ont signé le corps canadien Danny Brennigan. Tu te rappelleras de lui, c'est lui qui dirigeait Queens à la Coupe Vanier. Donc, et qui avait été chercher la Coupe Vanier pour les Golden Gales. Donc, Brennigan qui a signé un pack de 3 ans. Bon, les packs de 3 ans dans la Ligue canadienne, on sait ce que ça vaut. Là, ouais. Pas grand-chose. Mais... C'est intéressant de voir qu'on ose faire confiance à un carrière canadien. On a parlé souvent à l'émission comme quoi les carrières canadiens étaient grandement désavantagés. Grandement désavantagés par rapport aux carrières américains vu que le ratio du nombre de Canadiens, bon, le carrière compte pas. On va aussi parler de Steven Turner qui s'est grandement distingué à la combine où est-ce qu'il évalue les joueurs. Lui, c'est un receveur de passe des Gators de Bishop. Il a réussi un chrono de 4 minutes 31 sur le 40 verges. C'est un record il a battu le record de son ancien partenaire Jamal Lee qui lui est rendu avec les Lions de la Colombie-Britannique. Donc, 5 pieds 9, 185 livres, pas très très grand. Mais il a réussi un saut vertical de 43,5 pouces, qui est un demi-pouce seulement du record encore de Jamal Lee. Jamal Lee qui avait tout défait l'an passé à la combine donc de la CFL. Mais 5 pieds 9, un saut vertical 43,5 pouces, ça, c'est du ressort dans les pattes, ça, pas à peu près. Donc c'est ça pour ça. T'as-tu écouté... Toi, t'étais-tu un fan de baseball dans le temps, Pierre-Luc? Ouais. Ouais? Oui. T'écoutais les Expos à radio? Les Expos, ouais, quand même. Bon, on se doute que les Expos, c'est terminé, là. Ouais. Hein? Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, là, en passant, là. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas remarqué ça? C'est KAC, la radio sportive de Montréal. Ouais. Va tenter la chose. On tente la chose. C'est une nouvelle qui a passé, je trouve, dans le vide, mais que je trouve très intéressante. Vont diffuser du baseball cette année. Des Blue Jays de Toronto. Ah ouais. On tente l'expérience, voir s'il y aurait moyen d'aller chercher certains fans, certains spectateurs en tant que tel. Non, mais des fans de baseball en tant que tel, oui. Donc, ça va être diffusé. Vois-tu, il va y avoir 4 matchs, le calendrier. Là. Ils vont diffuser contre les Rangers du Texas, contre les Yankees de New York, contre les Red Sox de Boston. Et contre les Indians de Cleveland, ça va prendre place les 14, 15 mai, 4 et 5 juin, 9 et 10 juillet, 30 et 31 juillet. Parce que là, ce qui arrive, c'est que le directeur général là, des Blue Jays de Toronto, c'est un Montréalais quand même. Donc, j'ai hâte de voir, c'est Alex Antopoulos. Donc, Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses que ça va donner cette. Je suis pas super confiant, mais. Non, hein, surprenez-moi, s'il vous plaît. Je trouverais ça le fun. Ben, j'espère. Je trouverais vraiment ça le fun que t'ailles un. Du baseball. Parce que c'est le problème que CKC a, puis que RDS a pas. Où est-ce que. RDS peut acheter des images. Puis mettre des commentateurs en studio, puis nous donner une présentation plutôt merdique. Mais bon, il y a du baseball. Non, non, regarde, on se mentira pas, là. Qu'est-ce que j'ai écouté? T'as-tu écouté la game d'Hockey Junior dimanche soir entre Saint-Jean et les Wildcats? Malheureusement. Tu l'as pas vu? Non. Bon. Qui étaient les analystes? Bon, non, mais c'était les analystes de Norman Flynn. Ouais, si je me trompe pas. Ouais, Norman Flynn, Stéphane Leroux. Ça, c'est. Le problème n'est pas dans les analystes en tant que tel, c'est le fait qu'ils sont en studio. T'as aucun son d'ambiance. Non, ce sont pas. Mais le problème, c'est que des fois, la partie est à Shawinigan, puis les gars sont dans le studio à Montréal. Ouais. On l'a vu cette année, là. Tu sais, c'est pas tough, là. Envoyer quelqu'un sortir un peu. Délier les cordons de la bourse un petit peu, là. Donc, faut savoir ça. Pour avancer ça. Donc, c'est ça. Et on finit en parlant de boxe. Il y a eu des combats en fin de semaine. Manny Pacquiao. Qui s'est battu au Dallas Stadium, le nouveau stade des Cowboys, là, super grand, super luxueux, avec une TV géante là, en haut qui est suspendue, qui est comme trop grosse. Vois-tu là, ce qui arrive avec Pacquiao, là, c'est qu'il était, bon, on en parlait gros qu'il a affronté Mayweather, puis ça n'a pas passé pour différentes raisons, plus douteuses les unes que les autres. Tant qu'à moi, quand un demande un test de pipi, puis l'autre il dit non, ben il y a peut-être un problème en tant que tel en quelque part dans la machine. À moins que tu aies quelque chose à cacher, on s'entend. Et ce qui semble peut-être être le cas. Mais bon. Donc, ils sont affrontés. Bon, il a affronté Joshua Clotley, qui est un remplaçant, là, un nobody. Ben, pas un nobody, là, je suis méchant avec, là. Mais c'est pas dans la même classe que Pacquiao. Donc, tant qu'à moi, il y avait 50 000 personnes, non? 51 000 personnes. C'est 51 000 personnes qui a payé trop cher pour son billet, probablement, là, pour avoir un combat de boxe. Mais on a posé la question à Pacquiao après le match s'il avait quand même l'intention d'affronter Mayweather. Faut que le contrat se discute pis tout ça. Il a dit que oui, ça l'intéressait. Donc, on va voir à ça. Et finalement, dernière nouvelle, le combat, Lucian Bouté va se battre bientôt contre Edison Miranda pour défendre sa ceinture. Le même soir, Kelly Pavlik, lui, va affronter Sergio Gabriel Martinez dans un combat à Atlantic City. Donc, un combat à Montréal, un combat à Atlantic City. HBO, qui est le fameux réseau HBO là, qui diffuse beaucoup de boxe et autres émissions. C'est un réseau un peu spécialisé là, aux États-Unis qui diffuse justement la boxe. Ils vont diffuser les deux combats un après l'autre. OK, donc ça va être comme une méga carte entre Pavlik, le combat Bouté. 10 000 personnes à Atlantic City, 18 000 personnes à Montréal probablement. Donc, ça va être un bon programme. Ça va être un. Parce qu'on parle que les deux gars pourraient venir s'affronter éventuellement. Ça va être une. Okay. C'est une très, très bonne. Il y a de fortes chances. Donc, on va voir ça, ce que ça va donner. Et sans oublier le combat Eric Lucas. Oui, ben, il y a fond de qui, Lucas, tu sais-tu? Andrade. Andrade, à Québec. Quand ça? C'est, ils disent, le 28 mai prochain, au Cause des Pepsi. OK, j'ai manqué ça. Moi, ça a passé en dessous de mon radar. Ouais, ben, ça vient de sortir comme nouvelle ce matin. Donc, OK, c'est fait. C'est sérieux? Même si je me suis levé en retard, j'ai quand même été à l'affût de cette nouvelle. J'ai pas eu le temps de regarder RDS.ca. J'essayais de te rejoindre sur le téléphone. Mais, sur RDS.ca, c'est sorti en effet. J'ai pas eu le temps de checker ça. Donc, en tout cas, je pense pas que. Je pense qu'Andrade devrait l'emporter quand même. Ben, je crois. Eric Lucas, ça fait quand même un bon petit bout qui a pas été dans l'action. Ouais, puis commence à être pas mal plus vieux. Mais côté vente de billets, ça va être excellent. Ouais, ça va être un combat qui va vendre beaucoup. Tu pourras pas aller chercher meilleure foule comme ça là, là-dessus. Donc, on va aller à la musique. On va aller écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter? Hein? On va écouter un peu de Radio Radio. Radio Radio, donc un groupe de la région de l'Acadie. Donc, qui chante en chiac. On va aller écouter Dekchou. Et on vous revient dans pas très long. On va parler hockey junior après la pause musicale et les séries qui s'en viennent et tout ça. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. Sur la, où je veux marcher sur la. isla, I don't know. Inim, inim, anim, oh, c'est qu'est-ce qui fait du jello? Si ton sport, c'est du vélo. Ben, come on, baby, hello. Saute, danse, saute, tout la question, marche isla, hey. Ok, j'explique, c'est 700, c'est jet set dans ma minivan, oh, that got you. My case in case, que ma case work pro. Hit case in case, que ma still work pro. Penny low for that shoe, got that soul, got that soul, got that gemma. Nah, man, wish work my tan. Shopping channel, vend that scam. Copy, call it, shoot, come damn. Basically, so basic, so avec mes penny loafers ou avec mes tech shoes. Et je vais marcher sur la, ou je vais marcher sur la. Avec mes penny loafers ou avec mes tech shoes. Et je vais marcher sur la, ou je vais marcher sur la. So plus broke, mieux y habillé, marcher sur la. Hey, j'ai dit plus broke, mieux y habillé, marcher sur la. Pas un cent à mon nom, poste de Louis Vuitton. Ça se passe, quoi d'où tu veux j'te dis. Paye-moi 15 minutes pis watch mon pack de mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Un gars ça m'coûte rien, un promené sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil pis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz qui joue sur mon radio. Avec mes penny loafers ou avec mes tech shoes. Et j'vais marcher sur la. Je vais marcher sur la. Avec mes penny loafers ou avec mes tech shoes. Et je vais marcher sur la. Ou je vais marcher sur la. C'est ma life aquatic aéronautique avec mes tech shoes. Et je marche sur la. Hey, et je marche sur la. Et je marche sur la veille le jour. Et je fais rien de tout. Et je marche pour des causes. Moi je croyais rien du tout. C'est la new edition. Television match le piano. De monde qui sait, tout le monde croit qu'il faut. Tout seul, de monde qui croit. Les histoires des matelots, moi je les ai trouvés sur le bout du chat. En marchant sur la wow. So plus broke, mieux y habillé, marcher sur la. Hey, j'ai dit plus broke, mieux y habillé, marcher sur la. Plus broke, mieux y habillé, marcher sur la. Hey, j'ai dit plus broke, mieux y habillé, marcher sur la. Avec mes penny loafers. Donc, c'était Radio Radio avec la chanson Deck Shoe. Pierre-Luc, on avait parlé du Midget 3. Il semble qu'il y a une nouvelle formule cette année dans la Ligue. Ouais, une nouvelle formule qui va commencer. Ben, qui a commencé cette année, dans le fond. OK. Parce que d'habitude, la saison terminait très, très, très tôt. Pour quand même des joueurs de 15-16 ans qui sont en plein développement. Puis ça finissait quand même très de bonne heure dans l'année. Donc, je pense que c'était une formule à revoir. Et ils ont décidé carrément de faire une nouvelle ronde. Une ronde de consolation. Okay. Donc, pour les perdants. De la première ronde des séries, on se ramasse dans une ronde consolation, puis ça nous donne ça peut-être la possibilité de participer à la Coupe Dodge. Donc c'est une première là pour les équipes de Midget 3A. Donc la gagnante de la ronde consolation va à la Coupe Dodge. Donc les Estacades vont y participer? Non, les Estacades ont gagné la première ronde, okay, ont okay. perdu lors de la deuxième. Okay, okay. Donc malheureusement, ça en est terminé pour les Estacades. Bon, ben c'est parfait. On y va avec le hockey junior, Pierre-Luc, oui, la saison est terminée? Oui, la saison est terminée cette fin de semaine. Donc, on a maintenant les résultats finaux du classement. Donc, tout d'abord, on va parler des Cataractes qui ont terminé leur saison cette fin de semaine alors qu'ils recevaient les Olympiques de Gatineau vendredi. Ça a été un match quand même assez facile pour les Cataractes. Ça s'est terminé 2-0. Un petit match tranquille, je te dirais. OK. Ouais, Antoine Haute-Caron et Raphaël Pouliot ont été les buteurs pour les Cataractes. 2-0, c'est jamais des gros... C'est jamais des gros matchs. Et, donc, c'est ça. Donc, 2-0 pour nos Cataractes. Le dimanche, on affrontait maintenant les Tigres de Victoriaville et ça sera leur opposant dès la première ronde des séries éliminatoires. Donc, c'était peut-être un avant-goût des séries éliminatoires. Oui, exactement. J'étais présent sur là-bas. Écoute, et je te dirais que ça n'a pas été une performance très impressionnante de la part des des cataractes. Moi, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je trouvais qu'il manquait d'intensité, sauf peut-être Pierre-Alexandre Vandal, qui, je trouve, a continué à manger les barres match après match, ce qui est comprenable. Le gars essaie de se dégoter un contrat professionnel. Donc, écoute, il manquait Gabriel Lemieux, Philippe Paradis, Pierre-Yves Martel, Joey Dubé pour les Cats. Ils devraient tous être de retour, sauf le dernier, Dubé, pour les séries. Ben, le Paradis était en vacances, tout simplement. On lui a donné un match de repos. C'est Antonio Mastropietro qui était devant les filets, Gabriel Jarre pour Shawinigan. On a donné congé aux deux qui devraient entamer les séries, même si Éric Veilleux ne nous a pas confirmé ça après la partie. Les buts, c'est Shawinigan qui part fort quand même. Dave Labrecque et Pierre-Alexandre Vandal qui font 2-0. Par contre, ça y est, c'est parti. Philippe-Michael DeVos, c'est son 34e de la saison. Travis McIsaac fait son 22e de la saison. Joël Chouinard, son 23e. 2 buts en avantage numérique les deux derniers. Donc, l'indiscipline a coûté cher du côté des Cataractes. Et c'est vraiment été l'histoire du match parce que les Victo a été en avantage numérique 4-8. Donc, 50%, même à un moment donné, c'était 4-6. Donc, ça a pas aidé. En deuxième période, Gabriel Girard, bon, on connaît pas une bonne performance. Il en laisse passer au-dessus de son épaule à droite. Andrew Nestrassil vient faire son 16e. Philippe-Michael DeVos, encore lui, son 35e. Et Brendan Hines, son 4e. Girard est remplacé par Marc-Antoine Gélina. Yannick Veilleux vient faire son 3e de la saison. Veilleux, écoute, je le regarde jouer. Il a un beau potentiel, il est jeune encore, il n'a pas eu probablement la saison qu'il aurait espéré avoir, ça a été long avant qu'il se mette à produire, mais ça s'en vient pour lui lentement mais sûrement. Donc il fait son 3e de la saison, donc c'est 6-3 en tant que tel. En 3e période, Yannick Gourde vient faire son 11e, 7-3. J'ai trouvé que la 3e période, bon ben il n'y avait pas beaucoup d'efforts de la part des deux équipes, mais encore moins des Cataractes. Ça regarde bien mal pour eux d'ailleurs, qui ont été dominés toute la rencontre. Peut-être que le retour des blessés va venir aider, mais... J'aurais pensé que ça aurait plus brassé que ça en 3e période. Ben écoute, Tommy Tremblay n'était pas habillé. Non, vraiment, on n'a pas essayé de préparer la série. Moi aussi, c'est ce que je me disais. J'aurais aimé ça, voir un peu d'agressivité. Non, il y a eu un petit peu de parlage, mais rien de plus. Donc, rien de trop fameux, je te dirais. Mais tu sais, comme on en discutait, puis on a dit, c'est sûr que si t'habilles Tommy Tremblay, puis il pète une noix pendant le match, ben c'est facile de suspendre un Tommy Tremblay. Ouais, plus facile que de suspendre un joueur talentueux. Donc, à moins de petite affaire, Tommy se fait suspendre. La décision de le rayer de l'alignement n'était pas mauvaise tant qu'à moi en tant que tel. Mais bon, j'aurais aimé ça le voir, voir ce qu'il peut brasser. Ouais, brasser un peu la cage. Exactement. Ça. Donc, on va aller écouter les commentaires d'Éric Veilleux suite à ce match. Vous allez voir, il est assez quand même incendiaire envers son équipe. Jusqu'à la dernière minute, je pense qu'ils ont fait... pas qu'on avait besoin de ça, mais voir et comprendre que... En jouant en désavantage numérique, ce ne sera pas la meilleure solution pour jouer cette série-là. Fait qu'il pourra avoir envoyé un message, dans le fond, il va être constructif pour tes troupes. C'est certain qu'on va essayer de. On le savait déjà, sauf qu'on l'a su jusqu'à la dernière minute. Là, je pense pas qu'il y a une game qu'on s'en sait sauver. Puis ça va rester le même. C'est pas qu'il y a des matchs où on en a. On n'en a pas pris beaucoup. C'est correct comme ça. C'est la première solution. Puis d'autres choses aussi, certain. Je pense qu'ils ont 16 chances de marquer en désavantage. Ben, eux en power play. En avoir. C'est du stock. La clé va être entre les poteaux un petit peu aussi en premier rond. Ben, regarde. En jouant de même, là, avec Ken Dryden, la lettre, ça ne changera pas grand-chose, honnêtement. Là. C'est pas la façon de jouer au hockey. Peu importe qui te donne la lettre. Ouch! Très, très, très solide comme propos de la part d'Éric Veilleux. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, désolé, il y a eu beaucoup de bruit au centre Bienness. On remettait les prix aux gens qui possèdent des billets de saison. Mais de la façon qu'on a joué, même avec Ken Dryden dans les nets, ça ne changerait rien. Donc, ça veut tout dire. Aïe, aïe. Donc, Veilleux qui n'a pas voulu nous confirmer qui allait être son gardien pour les séries. Ça devrait être Marc-Antoine Gélinas. Ouais, normalement. Mais bon, surtout un 20 ans. Là, donc, ça devrait être assez simple. Hey, on va aller une pause. Une petite pause. Puis, écoute, après, on continue sur Hockey Junior? Ouais, bon, ben sûr. C'est parfait. Vous écoutez la conduite de partie en mode Irish ce matin sur C'est fou. 89. Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Alors, c'était Spicy McHaggis, Dropkick Murphys en mode Irish ce matin. J'adore Dropkick Murphys. J'adore, c'est que c'est bon. Donc, Pierre-Luc, on continue avec le junior majeur. Oui, on continue dans le junior majeur. Donc, comme on l'a dit, les Cataractes qui ont terminé leur saison avec deux défaites de suite. Malheureusement, c'était peut-être pas qu'est-ce qu'on s'attendait. On aurait aimé ça peut-être finir sur une bonne note. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Du côté des Tigres de Victoriaville, fin de saison quand même, ça a très bien été. Dans les 8 derniers matchs, on peut compter seulement un revers en fusillade dans les 8 derniers matchs. Donc, les Tigres qui terminent la saison sur une très bonne note. Puis je crois que ça va continuer dans ce sens-là pour la première ronde des séries. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Oui. On va parler aussi des Voltigeurs de Drummondville qui, eux, ont connu toute une fin de saison. Pas à peu près. Hein, on parle de 16 victoires de suite pour terminer la saison. Donc, c'est... Ça rentre bien en série, ça. Oui, ça commence très, très bien les séries, je te dirais. Donc, tout d'abord, vendredi, ils recevaient la visite des Foreurs de Val-d'Or. Ils l'ont emporté 9-1 sur les pauvres Foreurs. Ça ira pas bien pour les Foreurs en série, ça. On sait pas, mais je crois pas que les Foreurs vont être de taille là, contre les Huskies. Contre les Huskies. Moi, je dis que ça se finit en 4, c'est mon avis. Mais on regarde ça pour tantôt. Regardez ça pour tantôt, certains. Donc, Voltigeurs 9-1 sur les Foreurs de Val-d'Or. Gabriel Dumont a été la grande vedette du match. Lui qui a compté 2 buts, 1 passe. Et Charles Couturier, 1 but, 3 passes dans la victoire. Donc, je vous dirais que même dans les tirs, là, 45-14 pour les Voltigeurs. Donc, les Foreurs qui n'ont dirigé que 14 tirs au filet de Jake Allen. Ensuite, dimanche, ils recevaient pour le dernier match la visite des Maniacs de Lewiston, qui seront leurs opposants pour la première ronde des séries éliminatoires. Et je crois qu'ils l'ont emporté 7-0. Okay. Je pense que ça va être un peu à l'image de la prochaine série qu'on va avoir et de la même série qu'on a eu l'an dernier en première ronde. Un autre va se finir en 4, d'après toi? Ouais, d'après moi, ça va être assez facile de ce côté-là. Donc, les Voltigeurs de Drummondville, comme je l'ai dit plus tôt, terminent avec 16 victoires de suite. Jamais qu'on aurait pensé... Ben, oui, on aurait pu, mais je te dirais que jamais que j'aurais pensé que les Voltigeurs auraient terminé en force comme ça. Je pense que le retour de Di Domenico a joué pour beaucoup dans leur remontée. Ben, je trouve que l'équipe a l'air à prendre, tu sais, comme un gâteau qui lève. Hein, ça ouais. commence pas mal, puis ils sont unis, ils jouent bien ensemble. Couturier, qui est phénoménal, là, qui vient de remporter le championnat des marqueurs. Probablement, là, on dit que les Moncton ont déposé un protêt parce que on aurait oublié durant la saison de donner deux aides à Deschamps. Yeah, fini ouais. la saison, là, assume. Non, là, t'aurais pu le dire avant. T'sais, moi, si je vais voir mon prof, puis si j'ai dit, ouais, je sais que j'ai eu 58, mais. Dans l'autre examen. Il y a deux pages que j'ai oublié d'étudier pendant ça. Les avoir étudiées, j'ai eu 63, donc. Ouais. Veux-tu me faire passer, s'il te plaît? C'est pas comme ça que ça marche. Non, normalement, non. Ben Gabriel, on parle aussi de Gabriel Dumont. Là. Gabriel Dumont qui a été le premier joueur de la saison à avoir. 50 buts. Donc, ça aussi, c'est très remarquable là, pour les joueurs des Voltigeurs. C'est la première année que le champion des marqueurs de la Ligue junior majeure du Québec n'aura pas fait 100 points. Ouais. Première année de tous les temps. Donc, ça prouve à quel point la Ligue junior majeure du Québec est en train, bon, de se mettre au niveau des autres ligues et non plus être seulement une ligue offensive, mais une ligue où est-ce qu'il y a de très bons défenseurs et où est-ce que le jeu, je pense que ça va aider à développer plus de joueurs de la Ligue nationale. Ouais, c'est bien beau, c'est bien beau Simon Gamache, puis c'est 75 buts, puis il y a 322 passes, là. Mais c'est plus tout à fait la réalité du hockey aujourd'hui. T'as bien raison. Donc, c'est ça. Donc, les Voltigeurs qui terminent avec 16 victoires de suite. On embarque aussitôt dans les séries éliminatoires. Je pense qu'on va faire un peu comme l'an dernier. Ouais. On va donner nos prédictions. J'espère que ça va aller mieux que l'année passée. Ça n'avait pas bien été, hein, toi. Non, hein, ça n'avait pas super bien été. Moi, ça avait été mieux. Pour un gars qui suit junior vraiment beaucoup, ça n'avait pas été facile, je te dirais, pour les prédictions des séries. C'est moi qui avais gagné, hein. C'est toi qui avais gagné. C'est bon, mais je vais essayer de me reprendre. Je vais essayer de me reprendre. C'est bon. Donc, on va commencer tout d'abord avec la série Shawinigan-Victoriaville. C'est bien sûr la série que nous intéresse le plus. Deuxième année de suite qu'on s'affronte en première ronde des séries. L'an dernier, les Cataractes l'avaient facilement emporté. Je pense que c'était en 4 ou en 5. Oh, là, l'an dernier, m'en poses. Bonne question. Donc, Il avait mangé du tigre, ça, c'est sûr. Ouais, il avait mangé du rabat puis du tigre. Ça, je t'en passe un mot. Cette année, juste l'affiche des Tigres de Victoriaville contre les Cataractes de Shawinigan. 8 victoires, aucune défaite. Donc, puis encore là, 8 victoires, c'est, on n'avait pas encore toute notre plein, notre équipe no, complète. Nos pleins effectifs, ouais. Nos pleins effectifs. Puis l'autre côté, Shawinigan était plus fort en début de saison que présentement. Ça, donc, c'est certain. Donc, il y a eu quand même 2 défaites en fusillade, 2 défaites en prolongation pour les Cataractes. Ça a été serré dans plusieurs matchs. Ah, une partie qui s'était faite voler aussi à Victoriaville, j'étais là, puis... Un vol, vraiment. Un là, vol. Où est-ce que le Girard s'était fait accrocher par DeVos, la rondelle qui rentre à une seconde de la fin, puis ça avait compté. Donc, ouais. Mais encore là, je pense pas que les Cataractes vont être de taille face aux Tigres. C'est de valeur parce que, un moment donné, on regardait la saison aller, on se disait, bon, est-ce que les Tigres vont terminer avant les Voltigeurs ou. Puis moi, j'aurais préféré pour les Cataractes qu'ils affrontent les Voltigeurs en première ronde. Peut-être qu'on aurait eu plus de chance en série. Mais là, je te dirais que contre les Tigres, là, c'est. Ouais, très, très difficile. Avant de donner nos prédictions, on va aller écouter les commentaires de l'entraîneur de Victoriaville, des Tigres, Yannick Jean, par rapport à cette série. Oui, mais c'est une nouvelle saison qui commence. Hein. C'est pas, c'est important d'entrer dans les séries éliminatoires en confiance, mais tu peux pas entrer dans les séries éliminatoires en restant sur ton appétit, en restant sur le passé. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est important de tourner la page. Comment est-ce qu'on se prépare pour les séries? On garde le même plan de match qu'aujourd'hui? Bon, plan de match, on va se parler, on va faire des choses, mais c'est le hockey, ça reste le hockey, mais c'est pas, on changera pas tout de, on virera pas tout de bord en une semaine. Donc, Yannick Jean qui semble quand même confiant, mais réaliste. Il semble prendre les cataractes au sérieux quand même. Comme ben, on dit, c'est une nouvelle saison. C'est un beau 8 victoires, mais c'est une nouvelle saison. Donc, comment tu vois ça, toi, Pierre-Luc? Ben, exactement comme lui. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère non plus parce que les cataractes sont quand même une très bonne équipe. Ils sont capables de battre des grosses équipes. On l'a vu dans la saison, on a battu les Remparts à quelques occasions. Mm-hmm. C'est quand même pas n'importe qui, les cataractes. Faut pas les prendre à la légère. Puis je pense que les Tigres, avec le club qu'ils ont, devraient pas avoir de problème. Moi, j'y vais avec les Tigres en 5. Tigres en 5, toi? Ouais. Ben, moi aussi. Ouais? Ouais. Je sais pas si tu voulais qu'on dise absolument différent, mais c'était mon... Non, on peut dire la même chose. OK, mais parfait. Moi aussi, Tigres en 5, je vais en donner une aux cataractes. Ouais, quand même. Là, mettons, la troisième game va aller aux cataractes. Ou la quatrième, tu sais, désespoir. Non, ça à 3-0, je pense que ça allumera pas. Je vais leur donner la troisième à Shawinigan devant leurs partisans. Devant les partisans dans le centre bien-est. Super. Donc, on continue de deuxième série qui nous intéresse aussi beaucoup, mais qui, d'après moi, sera probablement une des moins intéressantes. Les Vultures de Drummondville contre les Maniacs de Lewiston. Cette année, les Vultures qui ont une fiche de 7 victoires et une défaite en fusillade contre les Maniacs. La défaite en fusillade remonte au premier match de la saison contre cette équipe. Donc, c'est pas récent. Je vous dirais que l'année passée, ils se sont affrontés. Encore une fois, les Vultures, je sais pas si tu t'en rappelles, Nico. Ça avait été toute qu'une dégelée dans tous les matchs. C'était des scores à n'en plus finir. Je pense qu'il y a juste le dernier match que les Maniacs avaient été dans la game, je te dirais peut-être une période ou deux. Ouais. Mais sinon, ça avait été vraiment... Ouais, je m'en souviens très bien. Ouais. Donc, pour ma part, Vultures en 4. Vultures en 4, moi aussi. Bon, tu fais par exprès ben, ou... Ben, égal, la prochaine, m'a dit le premier, comme ça, okay, j'aurais pas de l'air d'un copieur. Bon. Parfait. Ben, la prochaine, on parle des Remparts et du Titan d'Acadie Batters. Donc... Tu sais, à date, là, je regarde la majeure partie des séries, puis... J'ai de la misère à voir comment il va y avoir des surprises en première ronde. Non, là, je pense que la première ronde, ça va être très simple. Ouais. Hein? Un peu comme l'an dernier aussi, toutes les équipes favorites, sauf Montréal qui était venu battre Rouyn-Noranda, que c'était pas 4 contre 5. Mais va avoir des surprises, là, comme Montréal-Gatineau, c'est pas assurément que le junior qui va l'emporter. Là. Non, mais je vois pas de surprise. Là, ouais. Je vois pas de, ça serait pas une surprise. C'est égal. C'est deux équipes qui sont quand même très serrées. Non. Deux équipes qui ont des saisons... en deçà des attentes, si on peut dire, ou en tout cas, on s'attendait pas à grand chose, on n'a pas eu grand chose à fond. Donc, c'est ça. Mais continuez avec les Remparts contre le Titan. Les Remparts contre le Titan d'Acadie Batters, on sait avec la formule qui est la dernière année qu'on va avoir cette formule-là. Les deux dernières équipes sont éliminées. Donc, le Drakkar de Bécomo qui n'a pu se classer une place en série. Donc, le Titan d'Acadie Batters, se ramasse à la place du Drakkar de Bécomo dans leur division et affronte le premier. Donc, ce sont les Remparts. Et cette année, les Remparts ont joué deux fois contre le Titan et ça a été deux victoires de 6-4. Donc, ça a été quand même assez serré comme match contre le Titan. Je pense que les Titans ont quand même un club pour pouvoir faire bouger la machine un peu parce que, d'après moi, ça devrait être quand même assez serré comme si... Ouais, quand même. Ouais, je trouve pas. Mais en tout cas, vas-y, moi, on va y aller avec ta prédiction. Québec en 5. Québec, Tout. Ouais. Oh, on n'aura pas grand-chose. Hein? Non, ça vient plat. Moi, on va avoir plus de fun avec les prédictions de basketball de tantôt. Hein? Ouais, on va y aller au hasard comme ça. Je pense qu'on va avoir plus de fun. Non, mais ça. Écoute, on ne peut pas dire que le septième homme à Caddy Batters va être un facteur. Là. Non. 1500 personnes de foule à peu près. 1700. Ouais. On va dire 2500 en série. C'est pas super encourageant. Les enfants de M. Léogui Morissette vont pouvoir nous sortir un tour de son chapeau, mais... Un tour de chapeau? Non, peut-être pas. Un lapin de son chapeau. Ah, un lapin de son chapeau. Ou un tour de son chapeau. Pourquoi il sortirait un tour de son chapeau? Ben, je sais pas. Un magicien. Tu viens de faire un péronisme, toi, là? Ah, c'est ça. On va continuer d'abord dans mon péronisme. De toute façon, les magiciens, ils n'ont plus de chapeau à cette heure. Non? Non, non, c'est fini. À cette heure, ils sont dans les rues, puis Chris and Joel, puis tout ça, là. Plus besoin de chapeau. Ils ont l'air d'une bande d'immo. En tout cas, vas-y, continue avec les autres séries. On déblatère. Donc, maintenant, on parle de la troisième série, quatrième série, Océanique contre les Saguenay-Chicoutimi. Encore une fois, ils s'affrontent en première ronde des séries. L'an dernier, ça avait été la même chose. C'est sûr que l'an dernier, je te dirais que les Saguenayens n'étaient pas du tout de taille contre les l'Océanique qui avait quand même Jordan Caron, Patrice Cormier, Philippe Cornette. Donc, c'est sûr que cette année, c'est pas la même chose. Mais encore là, je te dirais que l'Océanique a une petite longueur d'avance sur les Saguenayens. Je vais te laisser commencer pour la production, pour celle-là aussi. Mais je l'aime, cette série-là, ouais. Je te dirais. J'aime les possibilités qui pourraient naître de ça. Par contre, Chicoutimi n'a pas eu une très bonne fin de saison. 3 victoires, 6 défaites, une défaite en fusillade ouais. À la fin. Sauf qu'est-ce qu'on peut dire, Chicoutimi ont remporté le dernier match de la saison contre ces mêmes Océaniques qui parlent ouais, de 4-3. J'ai pas vu qui jouait. Probablement qu'on a mis les gardiens remplaçants. Pis, c'est, ouais, c'est sûr, c'est pas le c'est pas nécessairement l'indicatif. Rimouski, mais je pense que ça va aller en 6 ou en 7. Il faut dire un chiffre. 17. Je vais dire 6 parce que Richard Martel en série, c'est Richard Martel en série. Ouais. Donc, c'est ça. Toi? Si t'en plais ça. Ben, moi, j'avais dit en 6, mais bon. Là, pour changer un peu, on va mettre en 7. Ah, OK. Rimouski en 7. OK. Ouais, Rimouski en 7. Donc, ça devrait être une série très, très serrée. Puis je pense qu'on. Ça va être intéressant, Swift. Ça va être intéressant. Mais s'il y a de quoi, c'est dans cette série-là qui va se passer ouais. Une surprise. Mais quoi, ils ont fini à combien de points de différence? Environ 61 points pour Chicoutimi, 75 pour Rimouski. Ça serait quand même une surprise qui se passerait là en tant que dans cette série-là. Ça, c'est sûr. Donc, on continue. 5e série. On en a parlé un petit peu tantôt. Les Huskies de Rouyn-Noranda contre les Foreurs de Val-d'Or. Je pense qu'on sait tous que les Huskies probablement vont l'emporter facilement. Les Foreurs de Val-d'Or aussi sont allés chercher quand même sont allés chercher des bons éléments pendant la période des fêtes. Nous qui pensions qu'ils allaient être vendeurs, finalement ont été acheteurs. Je pense pas que ça va donner grand chose là, contre leurs grands rivaux, les Huskies de Rouyn-Noranda. Cette année, les Huskies ont 7 victoires, 1 défaite face aux Foreurs de Val-d'Or. Je vais commencer. Vas-y. Rouyn-Noranda en 4. Bon, Rouyn-Noranda en 4, moi aussi. Hey, c'est plate, notre affaire. C'est plate, hein, c'est sérieusement, plate. Là. Ça. On va y aller chez nous. Hey, Scandella revient par contre. Là. Ouais, Scandella va venir pour les débuts des séries. Bon, je vais dire Val-d'Or. 5? Je vais dire en 5. Rouyn-Noranda en 5. On va laisser une aux petits Foreurs. Bien, on va laisser une aux Foreurs. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent pas. Ils ont besoin de faire rentrer un peu d'argent de toute façon. Ouais, ça c'est certain. Continue maintenant. Le Junior de Montréal contre les Olympiques de Gatineau. Ça va être une série serrée aussi. Oui, ça pourrait être serré. Probablement. Je vous dirais que pendant les matchs cette année, ça a été très serré entre les deux équipes. Les Olympiques de Gatineau qui ont terminé au 3e rang, qui n'ont pas l'avantage de la glace, ont quand même remporté 5 des 8 duels face à ces mêmes Juniors de Montréal. Donc, on connaît aussi le succès des Olympiques de Gatineau en série éliminatoire. Oh, mais là, il y a un nouvel entraîneur aussi, ouais, le John Chabot. Nouvelle formation, quand même. Reste à voir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont parti. Ils ont perdu des 20 ans aussi. Kevin Guéret-Charlin qui est parti en plein milieu de l'année. Puis, donc, ouais, c'est sûr qu'ils ont changé beaucoup le personnel, etc. Mm. Mais on sait tous à Gatineau, c'est comme. Ouais, non, c'est éliminatoire, c'est du succès après succès, année après année. Mm. Puis, on va espérer que ça se continue là, pour eux. Tu vas avec qui? Moi, je vais pour les Olympiques de Gatineau. En combien ouais, de matchs? En 6 matchs. Je vais avec Montréal en 7. Bon, ben, on a de quoi, là? All right! Bon, on continue d'avant-dernière série. On s'en va dans les Maritimes, probablement les séries avec les meilleures équipes. Ouais. Tout d'abord, première équipe, les Sea Dogs de Saint-John contre le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. Celle-là, ça devrait être une série peut-être un peu moins serrée, malgré que cette année, en 7 matchs, les Sea Dogs de Saint-John en ont remporté 4. Donc, 4 victoires, 3 défaites, l'affiche des Sea Dogs contre le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. Mais encore là, je pense que les Sea Dogs ont fini en force. À un moment donné, il y avait comme eu un petit, après la période des fêtes, un petit mou, ça allait un peu moins bien, mais je te dirais qu'on s'est repris beaucoup. Un mou pour les Sea Dogs, c'est comme quoi, une défaite, genre? 2 défaites. C'est vrai, il avait connu une petite baisse de régime, ouais, on peut dire. Donc, les Sea Dogs de Saint-John, moi, je les prends pour Saint-John en 5. Saint-John en 5? Ouais. Je sais plus. Je te dirais, j'ai goût de dire en 4 même. Ouais. Ballet du Prince-Édouard qui sont quand même pas piqués des verres. Ouais, non, t'as raison. Non, on va y aller en. Moi, j'ai goût de dire en 5, moi, tout. On va y aller en 6 pour faire différent de tout. Bon, non, parfait. Non, avance. Bon, je vais en 5. Je vais en 5. T'as peur, hein? T'as peur. J'ai un titre à protéger. OK. Donc, dernière série, rapidement. Les Wildcats de Moncton contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Ça va être une série intéressante. Ouais. Deux équipes de très, très haut calibre. Malheureusement, il y en a une de ces deux équipes qui devra nous quitter dès la première ronde des séries. J'aime le fait que tu parles de nous quitter avec Amazing Grace, qui joue en background. C'est, c'est dans le thème. Ouais, ça fit pas mal. Ouais, en effet, ben, c'est le format des séries, le fameux format des séries qui va venir nuire à Cap-Breton. Parce que, malheureusement. Mais encore là, on ne sait pas, ça serait peut-être à Moncton. Ça serait surprenant. Ça serait surprenant. Mais on a une très bonne formation du côté de Cap-Breton. C'est juste qu'on a tellement une formation extraordinaire du côté de Moncton. On l'a vu en fin de semaine, dimanche, le match entre Saint-Jean et Moncton qui s'est terminé 5-2 pour Moncton. Je pense que ça, c'est un signe pour les séries éliminatoires en tant que telles. Un signe fort. Ben, les Wildcats de Moncton qui ont remporté 4 matchs sur 7 face à ces mêmes Eagles. Donc, ça, c'est très serré là, entre les deux équipes. Moi, je vais quand même y aller avec les Wildcats en 6. Tu vas avec les Wildcats? Ouais. Je vais avec Moncton en 5. En 5? Ouais, en 5. D'accord. Donc, on prend ça en note et on revient avec ça la semaine prochaine. On revient avec ça la semaine prochaine. Dans deux semaines. On va analyser quand même, tu as raison. Ça commence, sais-tu, les Shawinigan? Ça commence vendredi. Vendredi. Donc, c'est bien sûr au Colisée des Jardins à Victoriaville que le premier match va avoir lieu. Et le deuxième match aura lieu samedi. C'est à 16h. Puis si on regarde le match... Quand est-ce qu'on se déplace à Shawinigan? Le samedi 23, donc ça serait lundi. Lundi prochain? Ouais, lundi prochain. Ces matchs-là, je sais aussi qu'à TV Cogeco vont présenter, je ne sais pas pour Vox. Non, mardi, OK. Ouais. Je ne sais pas pour Vox, télé, qui est quand même un des gros diffuseurs du Nord majeur. Je sais que Cogeco va diffuser ceux des voyons, j'ai un blanc. Là, des voltigeurs de Drummondville. Je ne sais pas pour Shawinigan. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais que la passée, on avait un problème de fibre optique. Je ne sais pas si ça a été réglé, qui faisait que les matchs ne peuvent pas être diffusés en temps en direct, là, dans le fond. Donc, on va regarder ça. Ça va être intéressant. On va continuer avec le calendrier. Écoutez, pour terminer l'émission, cette émission Irish ce matin, Saint-Patrick. Pour le championnat universitaire canadien, ça débute le 25 mars. Pour les Patriotes, on va vous revenir avec ça la semaine prochaine. Plus d'informations, on va brosser un portrait des autres équipes aussi. On peut parler aussi du Collège La Flèche qui va être en action ce vendredi. Ils vont affronter le Collège Harrington d'Oka. Ça va être au pavillon Claude Mongrain. Toi, as-tu d'autres pour les matchs? T'as pas les horaires des autres matchs? Je l'avais avec Drummond. Voltigeurs, ça commence aussi vendredi. C'est vendredi, pas mal. Tout commence samedi. Vendredi. Ouais, hein? ouais. OK, bon, ben parfait. Donc, suivez ça à la TV. Là, il va y avoir des choses très intéressantes à suivre. Et c'est ce qui conclut. Comme j'ai dit ce soir, si vous avez rien à faire, regardez. Je sais pas si c'est à la TV, par contre, peut-être à TSN 2 ou sinon. Le basketball, le tournoi de collège, le match ce soir est à ESPN. Sinon, les matchs vont tout être sur Internet, sur cbsports.com, en direct, un peu comme pendant les Olympiques qu'on pouvait voir. Suivez ça, ça va être intéressant. Ce qui est le fun, le jeudi et le vendredi, ils font partir tous les matchs, mettons, avec 15-20 minutes de différence. Donc, tu as un match qui finit. Mettons, ils vont diffuser ici, par exemple, au Québec, ils vont diffuser le match de Vermont. Vermont qui va affronter Syracuse. Ils vont diffuser parce que c'est le poste local de CBS qui envoie son signal. Et ensuite, par la suite, tu vas avoir les autres matchs. Tu vas avoir la fin des autres matchs, le dernier 3-4 minutes. Donc, suivez ça. Vraiment. Hey, c'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. Pour Pierre-Luc Giroux, JP Grenier, Nicolas Ducharme, bonne Saint-Patrick, tout le monde. Essayez de pas trop abuser. L'alcool, ça réveille mal le lendemain matin. Salut, bonne semaine.